va recevoir Daniel Camp. C'est intéressant, je suis reconnu pour me servir des opportunités qu'on me donne. Alors, j'ai pu constater ce soir une espèce de cristallisation collective avec une attente énergétique à un mouvement, une gêne collective étant donné que la collectivité ne le faisait pas. Et lorsqu'une personne s'est décidée, alors plusieurs se sont sentis libérés, d'autres ont resté gênés encore ne sachant pas si c'était maintenant ajusté ou non. Je parle des applaudissements. C'est intéressant parce que lorsque je dis que l'être humain est collectif, moi, je n'ai pas besoin qu'on m'applaudisse. Bon. C'est une forme d'entre-matière. Lorsque l'être humain ne sait pas, et vu que tout le monde ne le fait pas, l'être humain ne sait encore moins. Bon. Est-ce qu'on le fait? Les nouveaux savent plus ici. Est-ce que c'est... M'applaudis pas. On est au-delà du sérieux. On est robotisé. À un moment donné, il y a un qui se met à applaudir, alors il y en a 4-5 qui se libèrent, là ça va, puis il y en a d'autres, mais là, ils ne savent plus là, maintenant, là, parce que là, ils ont l'impression. C'est intéressant. Et ça, c'est ce que j'appelle, moi, la conscience collective, donc qui est, qui rattache d'ailleurs la conscience de l'homme nouveau à ce qui l'a fait naître, l'homme ancien, la femme ancienne, et qui est toujours vécu chez l'homme et chez la femme transitive. On pourrait évidemment lancer l'idée pourquoi on applaudit. Mais on ne lancera pas l'idée, c'est pas le sujet de la conférence. Mais l'idée, c'est de voir la vague. Alors, je ne juge pas, je ne critique pas. Prenons ce que la vie nous amène pour pouvoir apprendre sur soi. Alors, j'ai perçu des personnes qui se demandaient comment ça se faisait que ce soir, ça n'applaudissait pas. D'autres, c'était gelé, c'était bizarre. Et ça a été gelé seulement quand je suis arrivé. Parce que là, tout le monde ne savait plus si on pouvait ou on ne pouvait pas, si on devait ou si on ne devait plus. Et quand une personne a commencé, ben là, il y a une vague. Là. Ça s'en vient, ça se répand un peu. Et ça s'est répandu surtout du côté où la personne a commencé. C'est ça le phénomène collectif. Ce n'est pas un péché que d'être collectif. Mais c'est un problème que de ne pas le savoir. Et lorsqu'on le sait, lorsqu'on en prend conscience et qu'on ne se prend pas au sérieux, on peut apprendre sur soi. Un jour, je donnais une conférence au collège de Maisonneuve et j'ai dit une chose. Il y a une personne dans la salle qui s'est levée et qui applaudit. Une. Et elle n'a pas arrêté. Elle applaudissait. C'était bon. Elle s'est rassise. Les autres, ils ont un qui a trouvé ça bon, eux aussi. Cette personne n'était pas collective. Mais quand on est collectif, on est collectif. Quand on en prend conscience, on ne doit pas souffrir. On n'est pas pire. Mais non, on est drôlement mieux, vu que maintenant on en prend conscience. Alors, allons-y pour l'écologie. Pour l'écologie. Alors, on va y aller avec un petit un préambule pour nous aider un peu à rentrer dans le sujet, parce qu'il est un sujet très large. Quelle est la perception de l'homme ancien de l'écologie? Bon, alors on va aussi expliquer aux personnes qui ne sont pas tout à fait familières avec ce terme écologie et avec tous les termes que j'ai inventés autour de l'écologie, parce qu'imaginez-vous donc que l'écologie, c'est l'étude de la maison. Éco, maison, logie, science qui étudie ou étude. Étude de la maison, par extension, étude du milieu. Donc, étude de l'environnement, à force d'extendre. Et dans le livre que j'ai fini d'écrire, qui va sortir d'ici un mois à peu près, La différence, je parle à un moment donné que l'homme nouveau est écologique. Et à l'intérieur du livre, le rédacteur de la maison d'édition a mis en italique tous les mots qui ne sont pas dans le dictionnaire. Les mots que j'ai inventés pour pouvoir mieux communiquer. Et il y a un mot qu'il a cherché et c'est inécologique. Vous comprenez tout ce que ça veut dire. Une chose peut être écologique ou inécologique. Pas écologique. Le mot inécologique ou l'inécologie n'existe pas. Et là, je parlais justement avec le directeur et il y a plusieurs mots comme ça. dont l'inverse n'existe pas dans la langue. Et c'est une mécanicité créée par l'ego de l'homme ancien. Nous parlons de l'écologie. Restaurer l'écologie. Mais on ne parle jamais de ce qu'on fait, l'inécologie. On ne peut pas en parler. Le mot n'existe pas. Le mot n'existant pas, on n'en parle pas. N'en parlant pas, avant qu'on se rende compte qu'il y a un problème, ça va être long. Il y a une peuplade sur la planète qui, dans son langage, n'a aucun mot au futur. Elle ne peut pas conjuguer au futur. Elle ne peut pas dire « je t'attendrai » ni « je vais t'attendre ». Il n'y a pas de mot pour parler du futur. Alors, essayez d'entrevoir quel genre de consistance temporelle ils peuvent avoir. Ils peuvent parler au passé. « J'ai été là. Je ne savais pas que tu viendrais. » Et ça finit là. On ne peut pas dire « alors la prochaine fois, faudra... » Il n'y a pas de prochaine, il n'y a pas de futur. Il n'y a aucun mot dans leur langage qui décrit le futur. Demain, n'a pas. Ils ne meurent même pas. Ils vivent presque l'instantanéité, mais étant des êtres humains, s'ils ne peuvent pas vivre dans une illusion du futur, ils sont cristallisés quand même dans la mémoire du passé. Alors, ils se souviennent toujours de leurs problèmes, ils n'arrivent pas à les régler parce qu'ils ne peuvent pas extendre leur conscience dans une projection d'avenir. Alors, comment discuter avec ce monde-là? Compliqué en maudit, on ne peut même pas leur donner rendez-vous. Et c'est un fait. La peuplade, elle est presque exterminée parce que maintenant, on la civilise. Bon, ils sont toujours aussi malheureux, mais maintenant, ils vont savoir pourquoi et comment être plus malheureux. Enfin, comment le dire? Comment prendre les atassoles? Comment prendre des choses comme ça? Comment ne pas trop avoir d'enfants? Alors, lorsqu'on a des manques au niveau des mots, on ne peut pas faire autrement que d'avoir des manques au niveau de la pensée. On ne peut pas penser convenablement si on n'a pas les mots convenables. Essayez de penser en anglais, ceux qui connaissent quelques mots d'anglais. Ben, vous ne penserez pas. Vous allez toujours être bloqué. Et si on vous montre d'autres mots, ah là, vous commencez à pouvoir mieux structurer ce qui se passe chez vous. Ah, les mots sont importants. Écologie, étude du milieu ou étude de la maison. L'homme ancien voit l'écologie comme une science. D'ailleurs, tu sais, tu as étudié à l'université l'écologie. Intéressant. La science de l'écologie, c'est la science de l'instauration ou de la conservation d'une harmonie dans un milieu. Cela pourrait dire, par exemple, dans une forêt, dans un étang. Ça, c'est pour l'homme ancien. L'écologie, par exemple, dernièrement, on avait le projet Archipel sur la rive sud du Saint-Laurent. Ça a été refusé. Les écologistes étaient contre. C'était pour nuire à différentes espèces d'animaux. L'écologie, c'est un peu ça. Mais si l'être humain a la faculté, disons, intellectuante, disons intelligente, de pouvoir entrevoir de quelle façon on va nuire aux grenouilles en coulant du béton là. Pourquoi n'a-t-il pas la faculté de se servir de cette écologie pour savoir de quelle façon on va nuire à tel enfant en faisant tel genre d'école? Pourquoi l'homme n'est-il pas capable d'inventer une science qui pourrait calculer la probabilité d'exactitude dans la création des mondes meilleurs? Pourquoi l'être humain doit-il toujours s'en remettre à l'espoir et au hasard dans l'attente d'une société meilleure? On a une science de destruction, la guerre. Toute la technologie du monde peut servir la guerre. Et la guerre ne fonctionne pas par concept. Elle fonctionne par l'émotivité des entrailles, la peur. Elle fonctionne par l'expression orgueilleuse de l'ego, le pouvoir. Et elle est mathématique, la guerre. On sait. Mais est-ce qu'on a une science pour construire la paix? Non, on fait des marches dans la rue. On ne fait pas de marche dans la rue pour construire la guerre. On lance des bombes. Et ça marche. Parce que lorsqu'un peuple veut faire la guerre, il réussit toujours à faire la guerre. Mais lorsqu'un peuple veut faire la paix, il ne réussit jamais à faire la paix. On a scientifié, on a créé des sciences pour à peu près tout ce qui existe. On a une science qui s'appelle la science des maladies. Mais on n'a pas de science qui s'appelle la science de la santé. Alors évidemment, ça complique la possibilité d'expression ou de réflexion de l'homme parce qu'il ne peut pas travailler dans un domaine amélioratif étant donné qu'il n'a que des mots que pour travailler dans le solutionnement des problèmes. Comment régler les problèmes de notre société? Alors si on faisait ceci, il y a la criminologie. Oui, mais il n'y a pas la science des personnes correctes. Il y a la science des personnes pas correctes. On n'a pas de science des personnes en santé, on a une science des personnes malades. On a une science de la guerre. On n'a pas une science qui étudie la paix. On a une science qui étudie ce qui entraîne la guerre. Mais on n'a rien pour étudier ce qui pourrait entraîner la paix. L'humain veut vivre en paix parce qu'il est écœuré de la guerre, parce qu'il a peur de souffrir la guerre. Ce n'est pas une raison intelligente, c'est une raison émotive. Il n'y a pas de. L'écologie, telle qu'on le conçoit aujourd'hui, est l'antagoniste total de la sociologie. L'écologie, c'est l'étude du milieu, excluant l'homme. Et la sociologie, c'est l'étude de l'homme, excluant le milieu. Imaginez-vous que ça crée un maudit problème. Notre société, comme la ville de Montréal, dépend exclusivement de la baie James, de toute la gestion des barrages Outard et Manique, et de d'autres petits barrages. On dépend des mines. On dépend de Rouyn-Noranda. Oh, on crie que ça pollue. Mais pour rien au monde, on aimerait échanger ce que la mine nous donne pour restaurer l'air. On veut pas. On veut du pétrole. Ça se bat présentement pour le pétrole d'un pays entre l'Irak, l'Iran et tous ces pays-là. On s'amuse. On ne connaît plus la raison des guerres, mais ce sont des guerres de pouvoir. Quand on veut fermer le canal de Suez, c'est pour empêcher les bateaux de passer. Et les pétroliers, il y en a. Mais on ne veut pas qu'ils se battent. Mais on ne veut pas non plus manquer de pétrole. Mais si on veut avoir du pétrole, il faudra qu'ils se battent. Alors, c'est sûr que dans l'étape actuelle de notre condition nationale, on va dire, ben oui, mais ils n'ont pas à se battre pour ça. Ils ont un qu'à nous le vendre. 10 fois le prix qu'on veut le payer. Non, ils sont mieux de se battre. On va l'avoir moins cher. C'est pour ça qu'on génère des guerres dans ces pays-là. On parle souvent de la CIA, du FBI, de d'autres formes de police secrète qui font des ci et des cela. C'est bien évident que la partie, disons, humaine de l'homme ne veut pas qu'il y ait de guerre. Mais la partie, disons, plus animale, la partie confortable, la partie luxueuse de l'homme, ne peut pas se passer de ce que les guerres des autres lui fournissent. Lorsqu'en France, on avait des épices, c'était génial. On avait du charbon en Italie, mais c'était merveilleux, de la pierre qui brûle. On se battait en Chine et aux Indes pour la fournir. Et dans les pays où on épissait les sauces et où on se chauffait au charbon, on avait une croix sur le mur qui disait « Aimez vos ennemis comme vous-même ». Et on disait de s'aimer. On était contre la guerre. Mais qu'ils ne viennent pas nous empêcher d'avoir nos épices. Nos épices, qu'on le prend. Alors l'écologie de l'homme ancien, c'est une écologie qui exclut des choses. Et une écologie qui exclut n'est jamais écologique. Cela veut dire que, et c'est même si la conférence peut paraître au-delà peut-être de vos possibilités d'agissement, d'action, c'est faux. Tout ce qui a tendance à exclure n'est jamais écologique, c'est toujours inécologique. Cela veut dire que dans le cadre actuel où vous vivez, vous ne pouvez pas penser exclure une chose. On peut transformer une chose. On peut adapter une chose. Le problème, c'est que si la chose qu'on adapte ou qu'on transforme était la chose correcte, et c'était nous qui n'étions pas corrects, on crée une décadence écologique. Et savez-vous comment l'homme nouveau est capable de percevoir si ce qu'il fait est écologique ou non? C'est pas compliqué. C'est que lorsque l'homme ancien ou l'homme nouveau va, par exemple, vous allez dans une forêt, vous faites un trou. C'est en dedans d'une heure. Tout ce qui a été un peu, disons, dérangé, c'est restauré. C'était écologique. Ça ne dérangeait pas. Plus le temps est long entre ce que l'homme fait et le retour de la condition naturelle de vie, plus ce temps est long, plus on va vers le désastre écologique. Combien de temps pensez-vous que cela va prendre à la nature de dépolluer toutes les rivières sur la planète? C'est un désastre écologique. Tout l'air que nous respirons, c'est un désastre écologique. Parce que le temps est trop long. Désacidifier les lacs, désastre écologique. Oh oui, mais l'homme, avec sa vision ancienne de l'écologie, il n'y a rien qu'un tiers des lacs qui est acide. Un désastre écologique, un instant. Non, mais mets-toi au niveau du lac. Un lac acide. Mais tout le lac est acide. Mets-toi au niveau du poisson ou de l'alvin qui est dans le lac. Ça t'appellera pas ça un désastre écologique. Si toute l'URSS devient radioactive, c'est un désastre écologique pour l'URSS. Puis nous autres, on pourrait dire, ben oui, oh non, quand ce sera planète, ce sera un désastre écologique. Ça, c'est l'écologie de l'homme ancien. Il exclut des parties. À un moment donné, l'homme ancien voulait faire un chemin qui traversait la forêt amazonienne, la trans-amazonienne. Pour que la forêt ne gruge pas la route, l'autoroute, on prenait 100 km chaque côté qu'on balayait complètement à coup de bulldozer et on mettait des indigènes là-dessus, on leur fournissait des cabanes et puis là, on leur disait « cultiver ». Comme ça, en cultivant, la forêt ne viendra pas. Ça fait 200 km, sans chaque bord de la route. Ben, les animaux qui traversaient d'un bord à l'autre, 200 km à ciel ouvert, ne traversent plus. On s'en va vers un désastre écologique. Mais il y a une chose, c'est que la forêt amazonienne étant la partie terrestre, de surface, qui fournit le plus d'oxygène à la planète Terre, il ne fallait pas qu'elle soit coupée. Parce que, c'est évidemment, c'est la mer qui fournit le plus d'oxygène à la planète Terre à cause des algues. Mais la partie de surface, la forêt, c'est la forêt amazonienne. On a été chanceux parce que les sauvages de la forêt amazonienne ont suffisamment sarbacané, tiré des sarbacanes, les indigènes qu'on avait placés là, qu'on n'a pas réussi à faire la forêt vierge. Parce que l'homme s'est opposé, le sauvage. Celui qui est naturel, celui qui fait partie du cadre de l'écologie, celui qui n'exclut pas les animaux dans son cadre, ben lui, il a exclu la société. On n'a pas réussi à faire la forêt. Peut-on dire que cet indigène, il est un peu écologiste comme l'homme nouveau pourrait l'être? Non. L'indigène n'est pas écologiste en ce sens que l'indigène fait partie de l'écologie de la place, mais fait partie de l'inconscience écologique de la place. L'indigène agissait comme l'oiseau ou comme le jaguar. L'indigène a un espace vital, pas touche. Comme le chien va pisser un peu partout, ben l'indigène lui tire des petites flèches empoisonnées un peu partout. Ça délimite son territoire, embarque pas là-dedans. Autoroute ou pas, bulldozer ou non. Bon, embarque pas là-dedans. Alors, ce n'est pas de l'écologie, parce que l'écologie est une science. Donc, l'écologie ne peut être pensée, comprise et appliquée que par celui qui a de l'intelligence. Elle peut être vécue inconsciemment par toutes les autres. Prenons l'exemple, nous amenons à un moment donné la tordeuse d'épinette d'Europe ici. En Europe, la tordeuse d'épinette, une petite chenille, aucun problème, elle tord quelques épinettes. Mais ici, elle tuait tous nos épinettes. Parce que nos épinettes ne sont pas capables de résister à la tordeuse. Alors, la tordeuse, elle fait partie d'un mécanisme tout à fait normal de l'écologie en Europe. Parce qu'elle empêche la race des épinettes de s'étendre un peu trop. Elle règle la gestion de la prolifération des épinettes. Mais ici, on avait un problème, non pas d'épinettes, mais un problème épineux. C'est que les tordeuses les bouffaient, nos épinettes. Et il a fallu qu'on fasse venir d'autres petites bébites, des champignons, des choses comme ça, pour essayer de venir à bout de la tordeuse. L'écologie, un jour on va en Australie et on se rend compte qu'on peut amener des lapins parce que c'est merveilleux, on peut en manger. Et comme il n'y a aucun prédateur pour le lapin, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun animal qui tue le lapin en Australie, ben au bout de 20 ans, on avait des lapins assez partout qu'il n'y avait plus rien qui poussait. Alors on a pensé à faire venir des loups, des chiens, enfin quelque chose pour les bouffer, les lapins. Parce que l'homme maintenant mangeait des conserves, c'était plus des lapins. On avait évolué. On mangeait du bœuf, on mangeait du kangourou. Bon, et maintenant on était pogné avec des lapins. Conserve de lapin. Conserve de lapin pour exporter. Alors, ça, ce sont des problèmes écologiques. Mais qu'est-ce que l'écologie? Qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner un exemple de désastre écologique. Pollution de l'air, désastre écologique. Oh, aujourd'hui, l'homme, c'est pas un désastre. Pas encore, on peut respirer. Vous savez que si vous faites du jogging dans le centre-ville, vous pouvez mourir assez rapidement de problèmes pulmonaires. Pour la simple raison que lorsque l'on annonce à la radio que le degré de pollution, il est, disons, 0.9, et qu'à 1, c'est dangereux, mais 0.9, on est à la limite, vous pouvez respirer. Et ça, on l'annonce souvent en hiver, on le dit. On a le degré de pollution. Oui, mais ça, c'est parce que vous respirez calmement, comme on respire là. Celui qui fait du jogging, il respire 10, 20, 30 fois, 40 fois plus que vous. En dedans d'une minute, il ramasse 40 fois plus de toxines. Alors, c'est plus 0.9. Disons 1. On est rendu à 40. C'est pas un désastre écologique. Le monde tombe pas tout de suite comme des mouches. C'est ça qui est le problème de l'écologie de l'homme ancien. C'est jamais un désastre. Ça fait mal. Non, on n'a pas fait un désastre. C'est une bombe à retardement. Oui, et exactement. Que tu aies une bombe dans ton salon qui va sauter dans une heure, devrais-tu te dire, moi, je suis sûr, j'ai encore au moins une heure. Dans 58 minutes, moi, l'éteindre ou moi sortir. Pas là. Mais tout d'un coup, tu t'endors pendant cette heure-là en écoutant ton vidéo. Mais la bombe, elle va sauter, tu le sauras jamais. C'est effectivement une bombe à retardement. Mais le problème, c'est que nous, on s'occupe pas de nos désastres écologiques, on s'occupe de politique, on s'occupe de nos vies, on s'occupe de travailler, on s'occupe d'avoir de l'argent, on s'occupe de s'amuser, on s'occupe d'oublier qu'on est sur une bombe, on s'occupe du fait qu'on s'endort. Puis à un moment donné, ben ça va sauter. Des désastres écologiques? Une dépression nerveuse chez un humain, c'est un désastre écologique. Vous savez que tuer un être humain ou le rendre dépressif, c'est comme rentrer dans une forêt puis de rendre la forêt dépressive. Couper un paquet d'arbres, les laisser pourrir à terre, faire des trous un peu partout, puis en laisser ça là en chantier puis s'en aller. Avoir un petit chalet dans une petite forêt, là, sur le bord du chemin, monter en haut de la côte, faire un immense massacre d'arbres pour planter une antenne, mieux capter la télévision. C'est écologiquement, il y a un problème. Mais l'écologie de l'homme ancien, c'est qu'elle exclut. Elle a... L'homme ancien se dit, oui, mais moi, je veux être confortable. J'ai mon cadre écologique. Et si ce cadre marche, le reste, ça n'a pas d'importance. Alors, je plante mon antenne, puis je me fous des animaux qui vivent là. Je coupe tous les arbres qu'il y a là, puis ça ne me dérange pas. Les arbres, je laisse tomber, je laisse là. Mon antenne, maintenant, elle peut capter mieux. Je redescends en bas. Et là, je suis bien. Ça, c'est la vie de l'homme ancien. C'est qu'il exclut. Mais à la longue, à force d'exclure, il va instruire l'écologie. Et on va l'exclure. Il n'y aura plus d'humain, à un moment donné. Il va se passer quelque chose. Albert Einstein, un bonhomme assez intéressant, un homme nouveau de l'Antiquité. Antiquité, ça dépend. Bon. Il a dit que la prochaine guerre mondiale, s'il y en a une, on la ferait à coups de bombes atomiques. La troisième. Et la quatrième, à coups de bâtons et de roches. Ça. Il ne restera plus rien. Alors, si on veut se battre, il faudra prendre des roches, des bâtons, parce qu'il n'y aura plus rien. C'est ça le phénomène de l'écologie. Un être humain dépressif, c'est un désastre écologique. Un étudiant qui s'écœure d'aller à l'école, qui ne comprend plus rien, qui ne sait plus, qui ne veut plus, c'est un désastre écologique. L'écologie sociale. Un meurtrier est un désastre écologique, pas chez l'homme. Un meurtrier n'est pas normal chez l'homme. C'est pas normal chez les animaux. Il y a un animal sur la planète qui chasse pour le plaisir. En plus de se nourrir. Un, à part de l'homme. C'est les polars. L'ocre. Mais l'homme peut chasser aussi pour le plaisir. Mais lorsque l'homme en est rendu à attendre des immenses filets pour ramasser un paquet d'oiseaux parce qu'il en collectionne un dans l'eau, même les polars ne font pas ça. Désastre écologique. Le problème qu'on a présentement, à savoir si on avorte ou si on n'avorte pas. Ben, c'est un problème écologique. J'ai entendu un animateur de radio dire que ça ne regardait pas la femme, ça. Il a même dit qu'on manquait de jeunes au Québec. Cessez d'avorter, on a plus de monde. Il y a une femme qui a dit c'est pas mal bon. On va peupler le Québec avec les enfants qu'on veut pas. C'est ça le problème. L'écologie, on y va. On s'amuse. On joue avec l'homme. Et si l'homme est un être de lumière, sachez qu'on joue avec le feu. Alors, l'homme ancien voit l'écologie comment? Ben, si j'ai mon eau, moi, peut-être un pas, c'est pas grave, mon cadre écologique, il est correct. Quand tu vas me tirer ton verre par la face, ben là, je comprendrai plus. L'écologie de l'homme nouveau porte un autre nom, planétologie. C'est l'étude du milieu. Et ce milieu, c'est la planète. La Terre. Est-ce que c'est trop grandiose pour vous autres pour que vous puissiez se saisir et suivre? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais sachez une chose, c'est que la gestion de la boule, elle commence par la gestion de sa boule. Faut pas perdre la boule. De vue. Faut pas perdre la Terre, faut pas perdre nous autres. Votre demeure, votre maison, est-ce que c'est harmonieusement orchestré? C'est l'écologie! Ou si votre demeure, elle est inécologique? Évidemment, lorsqu'un bonhomme rentre quelque part et qu'il découvre qu'il y a une inécologie d'instaurer, il n'a pas la solution tout de suite. Mais il y a une chose, c'est que celui qui ne sait pas qu'il y a de l'inécologie, il ne fera jamais rien pour changer quelque chose. Alors, si on prend conscience que si au pire, on est les invités de la planète Terre, qu'on n'a pas à la transformer selon notre propre volonté, au pire, ou qu'au mieux, on est les gestionnaires de cette Terre. Quelle que soit la raison, on est sur la Terre. La Terre nous fournit des choses que nous prenons, remettons-nous, orchestrons-nous du moins pour aider celle-ci à pouvoir continuer à nous donner. Ça, c'est au niveau planétaire. Au niveau humain, c'est la même chose. La société, c'est un cadre écologique qui ne doit pas exclure la parasociété, tout ce qui entoure la société. La parasociété de Montréal, c'est la province de Québec. La parasociété du Québec, c'est le Canada. La parasociété du Canada, c'est l'Amérique. La parasociété de l'Amérique, c'est le reste de la Terre. Et si on veut être écologiste, on doit envisager la Terre. L'homme nouveau a une conscience planétaire au minimum. Et lorsqu'on lui dit « Oui, mais il y a tel problème, là-bas, on devrait régler ça. » C'est un ensemble. On ne peut pas aller dans un pays et régler une chose. Prenons l'exemple, on va en Afghanistan et on met les Russes dehors. On règle le problème. On règle rien. On va avoir les Russes sur le dos. On a réglé le problème de l'Afghanistan. Oui, mais on n'a réglé aucun problème. Tant que l'homme ancien fonctionne par solutionnement local, il ne peut pas régler le problème, il ne peut que transposer le problème. Et comprendre l'écologie, c'est ne pas transposer le problème qu'on a chez soi dans la cour du voisin. Mais c'est toujours ce qu'on fait. Oh, le travail, la condition de travail, l'endroit où vous travaillez, doit être un cadre écologique. Si vous le comprenez là, vous ne pouvez pas arriver demain matin et dire à votre patron, demain matin c'est compliqué, c'est samedi, lundi, de dire à votre patron, ben là c'est pas écologique ici, là il faudrait qu'on... Non, parce que lui n'a pas la conscience de l'écologie, ou les autres n'ont pas la conscience de l'écologie. Mais ce n'est pas une raison, et sachez une chose, c'est que ce n'est pas écologique que d'attendre que tout le monde soit écologique pour devenir écologique. Ce n'est pas écologique et ce n'est pas intelligent. Si vous vibrez, si vous comprenez des choses, mais comprenez-les. Ne pensez pas que c'est nécessaire que tout le monde le comprenne. Chaque chose en son temps. Un désastre écologique. Bon, on parle de désastre écologique. Et il faut le voir que c'est un désastre écologique. L'embonpoint. Le désastre écologique. Toute forme de pathologie, c'est un problème écologique. Vous avez une écologie corporelle, comme vous avez une écologie vitale, comme vous avez une écologie astrale ou psychologique, comme vous avez une écologie mentale. L'engueulade entre deux êtres humains, c'est un désastre écologique. Pas parce que les animaux ne s'engueulent pas. Les animaux se battent pour des raisons. Non, c'est pas ça. C'est que l'homme a une chose différente de l'animal, c'est que l'homme a de l'intelligence, et l'intelligence, c'est la faculté qu'a l'homme de savoir une chose sans l'avoir expérimenté ou sans l'avoir appris. Deux êtres intelligents ne peuvent pas se battre ou se chicaner. Ils le font parce qu'ils perdent la conscience de ce qu'ils sont. Et c'est un problème écologique. L'écologie commence donc dans son corps physique. Celui qui boit, celui qui fume un peu trop. Parce que la cigarette est là une raison écologique dans beaucoup de cas. Mais on peut y aller à un moment donné. Mais il y a une chose certaine, c'est celui qui ne respecte pas son corps écologiquement ne respecte pas non plus l'extérieur. Et ça, j'ai vu, là, je l'ai vu souvent. On a souvent voulu me dire, ben oui, non, c'est pas à cause que je bois de temps en temps que... Non. Mais les bouteilles de bière ou les canettes qu'on trouve dans la forêt sont quand même pas laissées par du monde qui ne boivent pas. Les incendies ou les feux de maison qui prennent parce qu'on l'a fumé au lit, ils sont quand même pas causés par ceux qui fument pas. Les pollutions de l'air sont pas causées par ceux qui polluent pas. Est-ce que ça veut dire que d'ici au lendemain, on doit ne plus polluer, on doit ne plus faire ceci, ne plus faire cela? Ça, c'est de l'écologie telle que vue par l'homme ancien, pas par l'homme nouveau. Parce que si vous décidez, bon, OK, on pollue plus, je prends plus mon char, je prends plus d'autobus, écologique, mental au niveau écologique, émotif au niveau écologique, d'affaires au niveau écologique, social, le véhicule automobile est une utilité intelligente. Faudra améliorer le système pour que ça pollue plus à un moment donné, mais pour l'instant, on s'en sert. Alors ça, faut comprendre. Parce que l'humain, souvent, l'homme ancien, c'est toujours tout ou rien. Ou il laisse aller, ou bien il en prend conscience, si ça le frappe, ça lui fait mal, il peut plus, il coupe tout. Puis il vit plus. C'est pas comme ça qu'il faut marcher. On va passer aux questions que vous, peut-être que vous attendez. En tant qu'humain, pouvons-nous espérer construire un monde meilleur un jour? Bon. Le monde existe que pour l'homme. Ce que je veux dire, c'est que le bœuf, le buffle, le bison, le kangourou, le koala, l'orignal, les animaux n'ont pas de monde. Ils ne se créent pas ce que nous appelons un monde. Ils n'ont pas de société. L'abeille semble vivre sociétairement, mais elle n'a pas la conscience de vivre en société. C'est une mécanicité programmée. On fabrique les reines, on fabrique les ouvrières, on fabrique. Ah, il n'y a pas une petite belle abeille qui décide qu'elle va être ouvrière, puis l'autre va être ceci, puis l'autre va être cela. Il n'y en a pas. On les fabrique. C'est pas une société comme l'homme. Ces animaux-là ne peuvent pas dire un monde meilleur. Quand on parle de monde, on parle de société meilleure. On parle de cadre dans lequel nous allons vivre meilleur. Un monde meilleur, on le crée toujours, parce que le monde est toujours meilleur. Mais est-ce que le monde est meilleur? Parfait. Écologique, harmonieux, agréable. Sécuritaire, où on a pu se poser de problèmes. Tu me fais violent en sortant d'ici. Un monde où tu peux te coucher en laissant tes portes ouvertes, puis te réveiller le matin, puis tes portes sont encore ouvertes. Il n'y a personne qui est rentré. Il n'y a rien qui est disparu. Un monde où tu peux prêter un outil à quelqu'un, puis tu peux le revoir, l'outil. Un monde où tu peux prêter un livre, puis tu peux revoir le livre. Un monde où tu peux... un monde libre. Un monde où ce que l'homme fonctionne par intelligence. Ben, vu que le monde est là pour l'homme, qui va le créer sinon l'homme? Parce qu'on a des religions, on a des philosophies qui disent qu'à un moment donné, une énergie supérieure, Dieu ou le Christ, va venir instaurer, ou les extraterrestres, vont venir instaurer le monde. Mais il y a un problème, c'est que le monde qui vivent dans le monde ne voudra pas de ce monde. D'ailleurs, Michel de Nostradamus l'a même prophétisé, puis Jean de Patmos aussi. Lui qui écrit l'Apocalypse. Si on a du monde qui veut la guerre, alors on aura beau arriver, Christ ou pas, puis dire on met la paix. Mais la paix, ça ne sera pas la paix. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, laissez vos portes ouvertes, il n'y a plus de voleurs. Qu'est-ce qu'on a fait des voleurs? Dieu va venir, il va toutes les détruire. Les voleurs. Tous ceux qui un jour ont volé. Même un épingle à linge dans un dépanneur, Dieu va les détruire. Il ne restera pas un humain sur la planète. Alors, on ne détruit pas les voleurs. Alors, comment y aurait-il plus de voleurs? Tout le monde laisse sa porte ouverte. Et il y a un maudit paquet de monde qui va en profiter. Tous ceux qui ne croient pas vont aller voler. L'homme doit instaurer ce monde. L'homme doit instaurer ce monde et la première chose que l'homme doit comprendre pour instaurer ce monde, c'est l'écologie des mondes. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas arriver et passer une loi qui interdit le vol. Le vol n'est pas interdit dans la société, le vol est illégal. Pareil. Le vol est punissable. Il n'est pas interdit. Mais passer une loi qui interdit le vol, ça ne changera rien. Faut donc s'arranger pour que l'être humain change. Mais est-ce qu'on peut changer l'homme? Non. Parce que si on veut changer l'homme, on fait du lavage de cerveau, on fait du sectarisme, on fait du gourouisme. On ne peut pas changer l'homme. On ne peut pas, on ne doit pas. Et ça ne sera pas comme ça que ça va se passer. De toute façon, vous faire penser d'une façon nouvelle. Vous devez arriver à penser individuellement parce que là seulement, vous allez être enfin pour la première fois de votre vie capable de dire « je suis responsable de ce que je fais ». Étant responsable de ce que vous faites, parce que vous allez penser individuellement, ben là, vous êtes capable de vous corriger pour vous améliorer. Mais étant donné que l'être humain pense toujours collectivement, tout à l'heure, on l'a vu au début de la conférence, lorsque l'être humain pense collectivement, il n'est pas responsable de ce qui arrive. Alors, on n'est pas responsable des problèmes sociaux. On n'est pas responsable des guerres. On n'est pas responsable des meurtres. On n'est pas responsable. C'est qui est responsable? Tout le monde! Alors, on fait comment pour changer? Ben, on fait rien. Tout le monde veut pas, ensemble. Ça me fait penser au sport. Quand une personne joue, regardez comment c'est la responsabilité inécologique de l'éducation, d'ailleurs, qui vous a construit et qui construit nos jeunes aujourd'hui. Prenons l'idée de l'exemple d'un sport collectif. On joue au soccer dans une école. Si on compte un but, ben c'est le travail de l'équipe. Alors, la responsabilité, elle est diluée. Dans l'équipe. Elle est indirecte. C'est grâce à toi, puis à toi, puis à toi, puis à toi. C'est grâce à qui? Par contre, si tu fais une erreur dans le jeu, là, la responsabilité, on te la plaque sur le dos. Ouais, mais t'as fait telle erreur. Alors, on induit l'humain à se sentir responsable, toujours coupable, toujours négativement. On n'a pas d'éducation de la responsabilité. Et c'est ça qui crée le gros problème. Qui peut faire dire à l'humain, « Oui, mais moi, tout seul, présentement, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » C'est comme le gars qui est dans son équipe de hockey. Il vient de comprendre une affaire. « Oui, mais les autres, tu sais, moi, je suis dans une équipe. » T'es dans une équipe, ben sors de l'équipe. Ou dirige-la, l'équipe. Un ou l'autre. L'humain doit être dans son intelligence, parce que là, lorsqu'il va dire, « J'applique ceci parce que je crois que ceci est intelligent, je ne veux pas savoir, moi, si tout le monde pense que c'est intelligent, je ne veux pas savoir. » Je l'applique. Si ça ne marche pas, c'est moi. Je corrige. Je n'ai pas besoin de corriger toute la collectivité. Je me corrige moi. Et je réapplique. J'étudie avec d'autres qui veulent fonctionner dans leur intelligence. On fonctionne ensemble, mais avec une conscience de pensée individuelle. Alors là, on peut s'améliorer. À un moment donné, la mère, elle donne une maudite claque à son enfant. Mais un peu trop fort, pas ça qu'elle voulait faire. C'est pas ça qu'elle voulait faire, mais c'est ça qu'elle a fait. Alors, c'est à cause de quoi? Oui, mais c'est parce que, tu sais, ça fait tellement, là, il y a eu ça aujourd'hui, puis ça, puis ça, puis ça. Voilà, aucune responsabilité individuelle. Responsabilité collective, qui paye toujours une chose, une personne. Ou une forêt, ou un animal, ou un objet. Et c'est toujours la cause de tout. C'est de l'inécologie. Créer un monde meilleur, oui. Je vais te donner quelques exemples intéressants. Est-ce qu'on aurait un libre-arbitre aussi à créer un monde meilleur? Bon, on a un libre-arbitre et on n'en a pas. C'est-à-dire que tant que l'être humain reste collectif, il ne peut pas avoir de libre-arbitre pour la simple raison qu'on pense dans sa tête, même si lui pense qu'il pense, et que tout son monde est orchestré par ce que tout le monde fait. Je donne un exemple. En politique, tu votes pour ce pour le moins pire. C'est pas un libre-arbitre. Quand tu vas magasiner, tu achètes le linge qui te va le mieux, le linge qu'on t'offre. C'est pas un libre-arbitre. Quand tu décides d'aller d'une place à une autre, tu prends les chemins qui te sont offerts. Tu peux choisir le meilleur parmi les chemins, donc tu as une espèce de possibilité d'intentionnalité, tu peux choisir. Mais tu n'as pas un libre-arbitre. Libre-arbitre, tu as un arbitre. Pas libre-libre. La personne qui a un accident, est-ce qu'elle le voulait? Non, c'est pas un libre-arbitre. La personne qui achète un billet, elle veut gagner, elle ne gagne pas pareil, alors on en a un maudit paquet, c'est pas un libre-arbitre. La personne qui veut être en santé, elle est malade. La personne qui veut être heureuse, elle souffre. La personne qui veut la paix, veut la guerre. La personne qui veut manger souvent en faim. On n'a pas ce qu'il faut. C'est quoi? En tout cas, le libre-arbitre, oui, parle-moi ça du libre-arbitre. On a le libre-arbitre, même pas, de décider à avoir des choses qu'on n'aura jamais. Alors on peut rêver. L'être humain n'a pas de libre arbitre. L'être humain, l'homme ancien n'a pas de libre arbitre. Tandis que l'être humain conséquentiel n'a pas plus de libre arbitre, mais il n'en a plus besoin. L'homme ancien a besoin du libre arbitre. Il a besoin de dire, crime, c'est moi qui ai décidé. Moi, j'ai décidé d'acheter des billets de loterie. Puis si on n'aurait pas inventé la loterie, tu n'aurais-tu acheté pareil? Puis si on ne l'aurait pas publicisé? Puis s'il n'y aurait pas des gros lots pour t'attirer? Puis s'il n'y aurait pas tout ce que tu pourrais acheter avec le gros lot? T'achèterais-tu des billets de loterie? Ben non, ouais, je suis pas fou! C'est ça. C'est tout ça qui t'a manipulé à en acheter. T'as pas décidé d'aller en acheter un. J'ai pris la décision d'aller voir le médecin. Ah ouais? Si même si tu seras en santé, t'aurais pris la décision d'aller voir le médecin? Ben non, niaiseux, je serais en santé, j'aurais pas été. C'est la maladie qui te fait prendre la décision. T'as pas pris une décision comme telle. J'ai décidé que je mangeais. Non. Ou bien t'as faim, donc il faut bien que tu manges parce que t'es mal pris. Tu ne peux pas décider autre chose que de manger quand t'as faim. Tu peux avoir une faim psychologique. Ah oui, mais c'est plus fort que moi. C'est ça! C'est plus fort que toi! T'appelles ça un libre-arbitre? T'appelles pas ça une manipulation? Est-ce qu'on pollue de cette façon-là aussi? On pollue astralement, ça va de soi. On brise l'écologie psychologique de l'humain. On brime la conscience intelligente individuelle des humains. On fait de la publicité, une barre Mars tous les jours, imaginez-vous. Les dentistes doivent être ravis. Et la personne, elle a pris la décision. Elle n'a pas pris de décision. Pourquoi on fait de la publicité? Parce que l'être humain n'est pas décisionnel. Alors on lui vend. Et là, il pense qu'il décide. Regardez. Prenez la décision de votre vie. Achetez telle auto. Voyons, donc tu ne prends pas de décision, là. Soyez un homme ou une femme digne. Roulez en ceci. Ah ouais, moi, je suis une personne digne. Ben, si je suis digne, j'ai pas le choix, faut que je roule dans ça. Ben, OK, je vais l'acheter. Moi, je suis digne, j'ai décidé. C'est pas de la manipulation. Ben non. C'est quoi? C'est du libre-arbitre. Ouais, l'arbitre, il peut être libre, mais il est fou comme la merde. Créer un monde meilleur. Lorsque l'être humain devient conséquentiel, c'est qu'il voit ce qui doit être fait. Dernièrement, on me demandait à la radio, « Oui, mais vous parlez un peu, là, c'est-tu du communisme? » Sacrableu! Faudrait pas que je sois en Union soviétique ou en Chine communiste. Moi, c'est du communisme que je dis là. Conscience individuelle, pensez tout seul! Du communisme! À un moment donné, c'est-tu du socialiste? Le socialiste, c'est illégal d'être plus brillant qu'un autre. Tu sais, tu travailles plus, tu as 3-4 bebelles de plus. Non, non. Divise, donne. Illégal. Moi, ça, non. C'est du conséquentialisme. Cherchez pas d'un livre politique, là, d'un système politique, parce que quand je l'aurai écrit, vous le trouverez. Bon, pas tout de suite. C'est du conséquentialisme. Ou de l'essentialisme. On traite des choses essentielles. Le monde meilleur, être conséquent. Être conséquent, être écologique. Être écologique veut dire faire la seule chose qui doit être faite. On n'a pas le choix. Mais ça nous plaît. Quand j'ai faim, ben la seule chose logique, c'est de manger. Est-ce que ça me dérange d'être pogné de même? Ben non, c'est la seule chose logique. L'homme nouveau fait ce qui doit être fait. Donc, il accomplit. Donc, il est conséquentialiste. Un monde meilleur, un monde où, par exemple, on prend notre société ici. J'ai déjà fait référence à ça à un moment donné, mais c'était relativement intéressant. Regardons ceci. Pensez-vous qu'on peut arriver à faire un monde? Ben, c'est ce qui va arriver à un moment donné, mais je veux dire, pensez-vous que ça se peut? Ou vous travaillez 2-3 heures par jour et vous avez 700$ de paye par semaine? Ou on a plein de robots qui marchent au bout partout? Où l'homme a du temps en masse, sauf que le temps en masse, on ne sait pas qu'une vidéo qu'on lui a donné. On le paye aussi à la condition qu'il fasse du sport, qu'il s'amuse avec ses enfants, qu'il s'occupe de lui. Un monde où vous n'avez jamais rien à acheter. Alors, quand je parle de 600$ par semaine, c'est un peu faux. Vous allez au supermarché, vous ramassez ce qu'il vous faut, vous partez avec ça, vous rentrez chez vous. Vous allez chez Eaton, vous prenez le linge que vous avez besoin, vous rentrez avec ça chez vous. Vous allez au garage, on met de l'essence et puis vous partez, vous payez plus. Un monde où on ne paye pas. Une société où on ne paye pas. Pour que ça marche, on parle évidemment des mondes planétaires. Parce qu'évidemment, avec les voisins à côté, ça ne fonctionnerait plus. Un monde où vous allez acheter une nouvelle télévision. Non, vous allez prendre une nouvelle télévision, vous la mettez, vous la placez chez vous, c'est parfait. Ouais, mais là, vous allez dire, là, c'est là, on peut, faudrait quasiment que ça devienne communiste ou socialiste. Parce que si lui prend une plus grosse télévision, ben non, il y en a une dans toutes ses pièces. Même deux, au cas qu'il serait couché de même. Puis quand il s'en retourne, il veut l'avoir tout de suite, là, de bord. Non, là, on crée une société nouvelle avec de l'homme ancien. On peut pas créer une société nouvelle avec l'homme ancien. Alors, faut pas vous dire, oui, mais il y a du monde qui va en profiter. Non, non, non, non. La société apparaîtra pas tant qu'ils vont être là. Et on ne créera jamais la société en détruisant ces personnes. Ça, c'est important. Parce que lorsque l'homme ancien va aller trop vite, ça fait comme Adolf Hitler. Il va vite, vite, vite, vite, plus vite qu'il pensait vers sa mort. Non. La société nouvelle, elle va apparaître lorsque l'homme nouveau va être là. Planétaire. Mais en attendant, il va y avoir des apparitions. Mais faisons juste conscientiser, légiférer, intelligencer cette mécanicité. On prend des feuilles, un petit ordinateur, puis on calcule. Combien qu'on est d'humains ici, disons, prenons l'exemple de Microsystème, le Québec. Mais c'est la même chose à l'échelle planétaire. Combien on est d'humains au Québec? On est tant. Combien de nourriture on a besoin pour que ce soit équilibré? Tant. Combien de vêtements par année pour qu'on vive correct? Tant. Combien de véhicules automobiles est-ce nécessaire? Tant. Combien d'écoles, combien de salles de gymnase, combien de ceci, de cela, de cela, de cela, de livres, de gagnants et de... Tant. Comment on fait pour se baser sur ce que l'homme a besoin? Ce n'est pas les intellectuels universitaires qui vont le décider. On va regarder qu'est-ce qui se vend. Vous avez besoin de ce que vous avez. Peut-être un petit peu plus que vous avez, mais à peine, ça n'a même pas à peine qu'on en parle. Alors moi, je ne déciderai pas que telle personne doit manger tant, que telle autre doit faire tant. Non, vous gardez votre faculté intentionnelle de décider pour vous. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on détermine automatiquement un quota de matière essentielle à ce que la société actuelle reste la même. On rajoute un quota de sécurité au cas, surtout dans la gestion de la vie, l'eau, les médicaments, l'alimentation, le chauffage, le vêtement, l'habitation. Et tout ça au complet, on divise ça par un nombre d'heures de travail nécessaire. Ah, ouais, mais là, les communistes, ils font ça, les communistes. Le gars qui est professeur, avec ses grosses lunettes, il rentre dans une école, il enseigne, le soir, il s'en va torcher toilette dans... Non, non, c'est pas ça. C'est pas une commune à l'échelle de la planète. Cela veut dire que ramasser des boîtes, puis les placer, laver toilette, laver plancher, poser des boulons. Pourquoi qu'on laisse pas ça aux robots? Oh, mais ça perd de l'emploi. Oui, mais on n'a plus besoin d'emploi. Si la société industrielle qu'on a peut fabriquer tout ce qu'on a besoin pour vivre, pourquoi qu'elle ne nous le donne pas? Qui va en souffrir? Dites-moi, nommez-moi une chose qui va en souffrir. N'est pas? Ah, le big, big boss, il pourra plus avoir 25 chars. Le big, big boss, s'il gère, mais pour gérer, faut pas qu'il soit encombré. Il a besoin de sa limousine, il a besoin de certaines choses, il a besoin d'une sécurité. Je n'ai déjà parlé au niveau des premiers ministres, par exemple. Le premier ministre qui ne sait pas si son fils va rentrer chez lui à soir à cause qu'il reste loin, puis il est premier ministre, on va-tu me l'enlever? Ben, il va mal gérer le pays. Alors, on lui donne une finance, puis c'est un chauffeur avec un char blindé qui va le chercher, qui l'amène chez lui. Oh, mais c'est de l'exagération. C'est pas... Non, c'est parfait. Oh, là, au moins, on a un gars qui va penser à ce qu'on veut faire. Pas un gars qui va toujours se demander si y a ça. À un moment donné, on en parlait encore dernièrement, là, la femme de René Lévesque qui a pris un avion privé pour venir au Québec. C'est normal et c'est correct. Parce qu'il faut que ces bonhommes-là, ou ces personnes-là, ces femmes-là qu'on place pour gérer, puissent pas être inquiétées par tous les phénomènes de la vie courante. Sinon, ils pourront pas régler ces phénomènes-là pour les autres. Ça va de soi. Alors, on gère donc d'une façon comme ça marche présentement, mais la société peut le créer, ça. Comme perdre les emplois au niveau d'une chaîne de montage d'automobile. Tu mets des robots. Tu prends, présentement, ça pourrait se faire. Une compagnie pourrait décider de le faire. Ça ne sera pas comme ça. Mais, j'y vais grosso modo, mais ça peut se faire. Ou les employés vont simplement travailler deux fois moins, garder le même salaire, prendre une partie de leur salaire, payer les robots. Quand les robots sont payés, tout le monde a le même salaire, puis tout le monde travaille deux fois moins. Oh, évidemment, quand les futurologues ont envisagé des choses similaires à ce que je vous dis là, pas au niveau de la gestion globale de la société, mais au niveau de diviser le temps de travail, ces choses-là. Est-ce que l'être humain un jour pourra construire un monde meilleur? Non seulement il peut, mais un jour il va le faire. Mais ça commence par quoi? Par la gestion de l'écologie de son corps. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est capable de s'occuper d'une chose petite, ben on apprend à s'occuper d'une chose grosse et grande. Mais lorsqu'on veut s'occuper de la chose grande pour pouvoir s'occuper de la chose petite après, ça ne marche pas, ça. On n'arrive pas à faire ça. Quel est le rôle écologique que nous vivons à notre insu? Bon, quel est le rôle cosmique de l'homme? Évidemment, il y a un écosystème planétaire, un écosystème solaire, un écosystème galactique, universel, super universel. Les planètes ne se heurtent pas parce qu'elles sont donc régies par une mécanicité, un cadre écologique. Et l'homme, à l'intérieur de ça, vit sur une planète, la Terre. Recouvert d'ailleurs au trois quarts d'eau, la mer. Et l'homme a un rôle écologique, c'est-à-dire que l'être humain ne peut pas être exterminé, l'être humain ne peut pas disparaître, parce que l'être humain est une condition essentielle à la gestion évolutive de tout notre univers. J'ai déjà dit, en résumé, que le rôle fondamental, je vais élaborer un peu plus ce soir là-dessus, tiens. Le rôle fondamental de l'homme sur la planète Terre, pourquoi l'homme est créé? On a déjà abordé de quelle façon il a été créé, d'où il venait, de quelle façon il était constitué. On va revenir là-dessus aussi. Pourquoi il a été créé, l'homme? Pour bloquer l'évolution expansive de l'univers. Je le dis souvent. Ça veut dire quoi? C'est un mot, c'est une forme diplomatique assez ésotérique qui permet à personne de comprendre. Et de paraître savant. Bloquer l'évolution expansive de l'univers. C'est que l'univers, la création, d'autres appellent ça Dieu, d'autres appellent ça d'autres choses. Il n'y a pas eu de création parce que la création était actionnelle. En fait, c'est une création. Lorsque l'univers est apparu, il y a eu une création de temps et d'espace. Et prolifération dans ce temps de l'espace. Donc, expansion massive de l'univers, comme s'il y avait eu à un moment donné un Big Bang, une immense explosion centrale qui avait projeté une nébuleuse dans une circonférence et qui était toujours en train de grandir. Et on a même envisagé, à un moment donné, les astrophysiciens, que c'était pour arrêter et revenir. Parce que les étoiles, tout ça, ça s'attire. Ici, présentement, ça s'éloigne, c'est qu'il y a eu comme une impulsion, un Big Bang. Et lorsque la force cinétique de l'impulsion va être finie, l'attraction de toutes ces planètes vont faire que tout va revenir. C'est un fait. Et le rôle fondamental de l'homme, c'est d'opérer cette gestion de régression de l'évolution. Évidemment, l'être humain, l'être humain conventionnel, l'être humain normal, ne voit pas du tout comment il peut faire, lui, pour empêcher les planètes de continuer de s'étendre et toutes les ramener. C'est que l'énergie qui constitue ces planètes, elle est, de prime abord, dans la forme la plus dense, donc la forme la plus temporalisée, la forme la plus éloignée du centre du Big Bang, la création, c'est la matière. Sur cette matière apparaît la vie. C'est la deuxième forme la plus densifiée. Sur cette vie apparaît l'âme, la psychologie, qui, elle, va, disons, développer le mécanisme de la spiritualité. Au-delà apparaît l'énergie mentale, toujours la même forme, moins densifiée par le temps. Au-delà, l'intelligence spontanée, l'intelligence active, ce qui n'est pas encore terrestrifié, ce que j'appelle l'énergie supramentale, le savoir instantané. Au-delà, l'énergie que l'ésotérique appelle bouddhique, et au-delà, l'énergie divine. La relation entre l'homme et tous ses plans et le plan de la matière, c'est celle-ci. C'est que du Big Bang, du foyer central de la création, les énergies sont exprimées. Près de ce foyer central, on n'a pas de corps physique, on n'a presque rien. On n'a pas de densification. Plus ça s'éloigne de ce foyer de création, plus les énergies deviennent, disons, terrestrifiables, expérientiables. Plus ça s'éloigne du foyer central, plus ça devient con. Comme ça, vous comprenez. Mais plus ça devient con, ça veut dire quoi? Ça fait qu'à un moment donné, ça ne sait plus d'où ça vient. Ça ignore, ça a oublié, ça a perdu le feeling, ça a perdu le contact. Puis là, ça s'imagine que c'est ce que c'est. Mais ça l'a oublié carrément son origine. Et ça, c'est la condition expérientielle évolutive de l'homme. C'est plus. Ne sachant plus, mais ayant quand même chez lui des mémoires de quelque chose, alors il recrée une condition similaire, le ciel. Il recrée un dieu qu'il n'arrive pas à toucher. Il recrée le retour vers Dieu. Il recrée des forces sataniques qui l'amènent, l'expansion évolutive de l'univers. Il recrée des choses qui lui permettent, dans sa conscience, disons peut-être limitée de l'ego, de pouvoir peut-être arriver à comprendre un peu ce qui s'est passé. Mais on est tellement loin de la source que l'homme oublie. Mais lorsque l'homme dit « Dieu est partout », oui, Dieu, la création, elle est partout, parce que c'est la création. Étant dans la création, on est Dieu, mais là. Mais est-ce qu'on peut toucher Dieu en conscience? C'est là que l'homme s'est éloigné. Mais l'homme s'est éloigné, on l'a instruit archétypalement, enfin, on l'a instruit que l'homme s'était éloigné. Et oui, l'homme s'est éloigné. L'homme a pris, lorsque l'homme pouvait, lorsque l'homme savait, la décision fondamentale de devenir homme. C'est-à-dire que, lorsqu'on dit que Dieu a créé l'homme, il l'a créé avec de la matière qui lui appartenait, la création. Mais l'homme a accepté de devenir, c'est-à-dire qu'une énergie divine, parce que Dieu s'est fait homme dans chacun d'entre vous. Une partie de cette création ou de cette création qui n'était pas terrestrifiée, qui n'avait pas oublié, qui était consciente, a décidé d'accepter, d'accomplir une chose, c'est de se terrestrifier, de venir se plugger sur la matière. De s'agripper à la matière et de faire évoluer la matière. Et ça, cette énergie-là, qui est une des plus magistrales de la création, c'est ce que l'homme appelle le minable être humain. Minable parce que dans la condition présente de l'homme, l'homme ne voit pas. Pourquoi? L'homme a oublié, on l'a coupé. Parce qu'on est tellement densifié. Et c'est quoi l'évolution améliorative de l'humain? Ben, c'est justement ça, cette réénergisation pour arriver à comprendre, pour arriver à voir. Alors, est-ce que l'homme va arriver à créer un jour un monde meilleur? Oui! Pour la simple raison que l'homme est en train de se reconnecter à une conscience instantanée. À une conscience où il va pouvoir englober la planète. Alors là, l'homme va comprendre. Là, l'homme va cesser de souffrir. Là, l'homme se posera plus de questions. Là, l'être humain, l'homme, la femme, ça va de soi, et l'enfant. Là, l'être humain va être correct. Là, il va être libre. Mais, pour l'instant, l'être humain a été restrifié, l'être humain a oublié, l'être humain ne sait plus. Et l'être humain vit une forme d'évolution où il a une raison écologique d'être, celle de restreindre l'évolution expansive de l'univers pour pouvoir ramener toutes ces choses-là. Évidemment, vous allez dire, si l'être humain revient lentement vers Dieu, de quelle façon Mars, de quelle façon les autres galaxies vont revenir, c'est que ce que l'être humain fait va servir à laisser une trace d'apprentissage au niveau de l'univers. Quand on parle souvent des extraterrestres qui viennent voir si on a besoin d'aide, les extraterrestres sont des imbéciles qui n'ont pas voulu énergétiquement et qui n'ont pas su se terrestrifier. Donc, ils n'ont pas de corps dense comme le nôtre. Ils ne peuvent pas souffrir comme nous souffrons pour la simple raison qu'ils n'ont pas de taux vibratoire aussi bas que le nôtre. Donc, dans notre évolution, nous sommes mauditement plus évolués qu'eux et ils ne viennent pas voir si on a besoin d'aide. Il fait longtemps qu'ils nous auraient aidés. Ils viennent voir si on peut les aider. Ils attendent après l'homme. Évidemment, ils vont instruire l'homme parce que lorsqu'il pénètre la sphère de notre planète, il se densifie un peu plus, alors il s'égoïse un peu plus, alors ils veulent donner devenir maître, ils veulent donner des missions à l'homme. Ils attendent après l'homme. Il n'y a pas un être intelligent qui aurait voulu, qui aurait vu que la planète Terre a besoin d'aide, qui aurait passé de l'époque égyptienne jusqu'à aujourd'hui à attendre que quoi? Alors, ils font des apparitions de temps en temps devant un journaliste débile, devant une grosse madame enceinte de 12 enfants, devant je ne sais quoi. Mais jamais devant des personnages qui pourraient gérer une société pour entrer en contact avec eux autres. Jamais. Mais non, parce que les personnages qui gèrent les personnages qu'on a au gouvernement, on pense souvent qu'ils ne comprennent rien. Ils ne peuvent pas tout faire. Parce que l'écologie n'est pas encore cristallisée chez eux. Mais ils sont pas fous au point de laisser leur planète ou de laisser leur nation régie par un extraterrestre. Alors, on a un rôle écologique qui est fondamental. Ce n'est pas une mission, c'est une fonction. Juste avant la pause, prenez une pause en sachant que l'homme, vous pouvez m'excuser de l'expression, mais que l'homme, ce n'est pas de la merde. Même s'il a oublié. Alors, à toi la parole. Eh bien, ça a passé vite. je vais vous faire une petite annonce pour renouveler. Je vous rappelle que le spécial de la soirée, si vous, vous achetez le billet de la prochaine conférence de Daniel, vous recevrez gratuitement l'enregistrement de la première partie de la conférence de ce soir sur cassette. Et n'oubliez pas de nous apporter aussi vos questions.